signal stop, implanté au niveau de l'intersection, ne me concerne pas. Il est décalé par rapport à la ligne d'effet. Il concerne les usagers arrivant de la rue de droite. Je n'ai donc pas à marquer un temps d'arrêt ni à céder le passage. Cependant, je ralentis par mesure de prudence, car je ne suis pas sûr de l'attitude de l'usager en face, qui peut être tenté de passer avant moi. D'autre part, un usager peut surgir de la droite. Réponse B et C.